Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h avec les meilleurs sons de Skyrock. C'est parti maintenant, 2 heures de son 100% classique pour bien terminer le week-end. Je sais que vous êtes nombreux en plus à reprendre demain. Détendez-vous avec Skyrock Classics. Vous pouvez réagir à l'émission sur le net avec le hashtag Skyrock Classics KLA2SIKS si l'émission vous plaît ce soir. On attaque maintenant avec Cisco. Voici Tong Song de la Soul, All Good et l'Empire du côté obscur, le gros son marseillais d'IAM sur Skyrock. C'est parti. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Here we go again. Premier sur le rap. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out. Ooh, that dress so scandalous, and you know another nigga couldn't handle it. So you're shaking that thing like who's the ish, with a look in your eyes so devilish. You like to dance all the hip-hop spots, and you cruise to the cruise like connect the dots. Not just urban, she liked the pop, cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, thighs like wah, baby, move your butt, I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, thighs like wah, all night long. Let me see that thong, baby. That thong, the thong, thong, thong. I like it when the beat go, baby, make your booty go. That thong, the thong, thong, thong. That girl's so scandalous, and I know another nigga can handle it. And she's shaking that thing like who's the ish, with a look in the eyes so devilish. She like to dance till the hip-hop spot. Cruise and connect the dots. Not just urban, she liked the pop, cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, thighs like what, baby, move your butt, I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, thighs like what, all night long. Let me see that Weigh the situation how you want. Right. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good. And that's the truth. Things ain't going like you think they should. Built this large pizza pie together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea Theory. I was Moses hopelessly scorned by your thorns, Zipporah. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left it dead in the sea. It's better for me, I'm satisfied with repping for D. We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now. Them girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah, I get that ass. So number and some lumber to pile, then catch a curve from my kid. Won't show me love if I break. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't beef, but be sure to understand. Between us, it ain't all good. And that's the truth. Things ain't going like they should. It's all on you. It ain't all good. Scheming on what we done cop. Always off the scheme. Instead of fiending for the moment, they can get us off the block. What are we seeing? Your people might have the back, but you need to watch the front. Indeed, they're nothing guaranteed. Size 10s. Alright, then here's a pair. Lace them up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff. Like deer heads upon the wall, so all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze. I don't care about what you think you say. Skyrock, Skyrock Classics. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. Sombre monarque débarque et éteint son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qui se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas fond

keep your eye out. Always be aware of what's around you. They wanna down you, but they can climb you. Keep your shit under the money, won't stop. Pretty soon you'll be on top. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, little brother, while you burn. You discover better kill me, don't let me return. It's over the trust, no man, cause I'll be back, you understand. With the plan and my ace in hand, I want it all. I recall the words from Jesus. You want the juice, better go get it. Don't let it get to your head, embed it, let these words stick. You better be ready to die, now take a big sip. Harsh ain't it, but I never lie. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money. Tous les dimanches soir sur Skyrock, on est en mode premier sur le rap, premier sur les classiques avec Sai Précile à l'instant. C'était Tequila Sunrise. Et attention, hein, on prépare le retour du Morning de Difool. Ce sera lundi de la semaine prochaine, lundi 29 août. Soyez là entre 6h et 9h pour peut-être partir avec vos chèques de 1500 euros. Ce sera, si vous répondez Skyrock, dès qu'on vous parle radio au téléphone, soyez bien là et augmentez vos chances en vous inscrivant tout l'été. C'est 1500 qu'il faut envoyer par SMS au 72020. 1500 au 72020. Notez bien le retour du Morning de Difool le lundi 29 août et toute la semaine prochaine. C'est Vincent qui vous mixe les meilleurs moments, le Morning Best, de retour demain à partir de 6h sur Skyrock. People Everyday, Arrested Development, c'est ce qu'on écoute tout de suite dans Skyrock Classique, suivi de Passy, Les Flammes du Mal et les Pussycat Dolls avec Snoop Dogg. Button sur Skyrock. Écoute Skyrock Classics. Of a Don't die in Africa.

Pussycat. Now roll with the big dog. All six of y'all on me. Now tell me how I feel, baby doll. Ashley, Nicole, Carmi, Jessica, Kimberly, Melody, you telling me? Skyrock Classics tous les dimanches entre 18h et 20h avec les Pussycat Dolls. À l'instant, c'était Buttons sur Skyrock. L'émission se poursuit. Puis pour tous nos auditeurs parisiens, bon, on a un gros problème sur la Tour Eiffel. Voilà, je sais que ça concerne pas tout le monde, mais bon, essayez de basculer sur l'appli parce que là, c'est complètement cassé à Paris. Voilà, si vous entendez ce message, dites-le aux gens qui se demandent pourquoi ça marche pas Skyrock du côté de Paris. On essaie de réparer ça très rapidement. Voici le 113 avec Hold Up sur Skyrock. Il y a Beyoncé et non, c'est Blue Cantrell avec Sean Paul juste après. Et Lacrim aussi. Tout le monde veut délover sur Skyrock Classics. 113 tout de suite. Hold Up. Postiché. J'suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Dalida. La barbe de Fidel Castro et un gros Beretta. La gabardine de Colombo, les lunettes d'Elton John. Et la dégaine distinguée des frères d'Alton. Les lieux sont repérés, 9h devant la banque. J'suis devant le sas, je sonne et je rentre. J'fais la queue comme tout le monde. Mes potes m'attendent de rue plus loin. J'suis opérationnel dans 30 secondes. Quelque vigile, lui qui me regarde bizarre. M'approche vers lui et je lui dis, qu'est-ce que t'as connard. Je mets un coup de plafond et décide de charmer mon arme. Je braque la grosse lutte, il se trouve derrière contre toi. Ferme ta gueule, on va pas en faire toute une histoire. D'ailleurs hey, ouvre le sas, y'a mes potes sur toi. Genre les sacs de sport, en attendant record. Fais juste l'oseille et dans 5 minutes je sors. Rentrer dans la banque sans faire toc, toc, toc. Sans trésor du char, dans ta gueule c'est un hold up. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Sans trésor du char, dans ta gueule c'est un hold up. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol. En main tout est ok, je prends votre d'artifice. Concentré dans nos pensées, remarque l'entrée des artistes. Artiste cagoulé, je donne l'ordre que tout le monde se mette à terre. Je tire une fois en l'air, c'est bon. On a le feu vert, des boules sur directeur. On vient relever les tombeurs. On va pas passer une heure à attendre les inspecteurs. Assez parlé et passons aux choses sérieuses. J'ai pas le temps de m'attarder, chaque seconde ils sont précieux. Pendant qu'on est dans l'étang, je m'occupe de l'argent de surface. Du travail de pro, t'inquiète, on laissera pas de traces. Remplis les sacs à bloc, et là, la pourriture veille. Si ça tourne au drame, on va laisser des cervelles. Direction la salle des coffres, j'emmène le directeur au sous-sol. Mais là, y'a un petit problème, ce bâtard veut pas cracher le coffre. Obligé de le séquestrer, y'a envie de tempérer. Il a fallu que tu fasses monter des côtés de ta famille côté. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Sans faire un touchable, ta gueule, c'est un hold-up. On braque, charge les sacs. sac et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Ton trésor de chat, pas de gold, c'est un hold. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol. Après une entrée surprenante, une sortie un peu fracassante. Mes membres en attente, en l'attente, une couille imminente. Garde le contact des mon one. Des mon one. Dis donc, putain, ça. Juste assez de temps pour finir ma blonde. Ils ont l'air chargés. Je pense que tout a marché. Rail au volant, je vous conseille de vous accrocher. Prends à main, tête à queue, grâce avec mes complices. C'est R6, contre un 2-3 cas, j'aime ta police. Je prends le volant, sans avoir fait contrôle technique. Mais cette fois-ci, moi je suis dans le tas. Si ça se complique, le M pour le D première à droite, tu pas 500 mètres. Y'a de la poucave ou quoi là? CPD, boucle le périmètre. Chronomètre à la main, fusil à portée de main. Personne nous freine, car par les quais, moi je connais le chemin. Vas-y, vas-y, bombarde derrière. Ouais, y'a des condos derrière, vas-y, bombarde. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Entrez intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold-up. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Entrez intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold-up. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol. Sur Skyrock, Skyrock Classics. Shut the ball and blow can tell. Remix, I gon' make them head swell. Yo, yo, ay, yo, boom. Yo, ay, yo. Dirty, so what's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the ball, I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, you say you love me, but you never there for me, yeah. On all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? You're only lonely when your homie ain't got a ride or no loot. Yeah. Then comes the drama. Some other girl is claiming she's going out with you. All we do is make up, then break up. To be about, baby. Can't free up your vibe and stop acting crazy. Time. Make I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? Shady. La première fois, c'était sur Skyrock, Skyrock Classics. J'ai toujours voulu voler de mes propres ailes, mademoiselle. Attention, si je t'aime, je pourrais toucher le ciel. Envie de briser les chaînes, envie de signer des chèques. Je sais qu'on va mourir, mais avant on part aux Seychelles. Ouais, une petite plage, un verre, coucher de soleil, mon frère. Ouais, j'insinue, car je suis dans ma cellule. Et si tellement c'est nul que je me renferme, souvent je pense à elle. Besoin de la baiser, besoin de la serrer, d'ouvrir les yeux, de voir la vie, ou de la faller par la vitre. Crier, fumer, buvez, bien je suis rancunier. Y'a tout mon public qui chante, la crime va tout vous rafler. La crime va tout vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Ton son pour nous évader. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. J'rêve d'avancer ou de quitter la terre. Si j'attrape 10 millions, ça fera sûrement l'affaire. J'peux tout jouer, mais je pense à mon fils. Sinon, une nouvelle chapa, j'ai pas besoin de la notice. Dans le rap des bêtes de Tommy, j'ai les mêmes lunettes que Tony. Tout prendre, j'vous le promets, la crime se propage. Soutenu par trop de vie humaine. Fumer, buvez, bien j'suis rancunier. Y'a tout mon public qui chante. La crime va tout vous rafler. La crime va tout vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Ton son pour nous évader. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. Ma belle, là j'ai pris 200 billets de sang. Oui, laisse-les parler dans le vent. Qui ouest, le soleil couchant. Je sais c'est touchant, tes cheveux dans le vent. Des lovés, ouais. Mais nos cœurs ne sont pas mauvais. Non. Ma villa au bord de la mer, je sors de son prix, je veux m'évader. Fumer, buvez, bien j'suis rancunier. Y'a tout mon public qui chante. La crime va tout vous rafler. La crime va tout vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Ton son pour nous évader. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. Tout le monde veut des lovés, tout le monde veut des lovés, tout le monde veut des lovés, pour pouvoir s'évader. Tous les dimanches, 18h-20h, c'est Skyrock Classics avec les originaux de Skyrock. Are you ready? Are you ready? Yeah, pull out the door, it's Fergie. Oh,

Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. J'en suis où j'en suis malgré tellement d'erreurs. Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. Pas à pas de pied ferme sans savoir où je vais. J'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvé. Devant les proches, je faisais des grimaces en tirant sur mon linge. Car on m'a dit en classe que l'homme venait du singe. B2O, BA, la vie. Skyrock Classics. 1-2-1-2, in the place to be. It is I, Missy Misdemeanor Elliot. And I'm chilling here with the best station ever, Skyrock. Understand how it's going down. We about to do it a little something different up in here. Give you some noosh. What station is so amazing? Keep it hot and blazing. It's Skyrock. What station is the best in the nation? Got the music baking. It's Skyrock. What station is overtaking? Got your body shaking. It's Skyrock. What station give you good vibration? Got good sensation. It's Skyrock. You know, me and Timberland in Hansi 20 years ago. What the dealio? Now what the drillio? If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son. Let me throw you some. People, here I come. Now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Without cops harassing, imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind my waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing, fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls.

the D-R-E, the spectacular. In a party, I go for your neck, so call me Blackula. As I drain, a nigga's juggle a vein and maintain the lead bloodstain. So don't complain, just chill. Listen to the beats I spill. Keeping it real enables me to make another meal. Still, niggas run up and try to kill it real, but get popped like a pimple. So call me clear as hell. I wipe niggas off the face of the earth since birth. I've been a bad nigga. Now let me tell you what I'm worth. Than a stealth bomber, I cause drama, the enforcer. Music floats like a flying saucer on a 747 jet. Never forget, I'm that nigga that keeps the whole panties wet. The mic gets smoked once you hit a beat kick with grooves so funky they come with a speed stick. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking D.R.E. I'll keep they motherfucking heads ringing. The dough, five for the hoe, six, seven, eight for death row. Mad niggas bout to feel the full effect of intellect, so I can collect respect plus a check. Now I'm fin to get into my men too and take care of this business I need to attend to, cause my rich do. And this rap shit's my meal ticket, so you goddamn right I'ma kick it or get evicted. I bring terror like Stephen King, a black Casanova, running niggas over like Christine. When I rock the spot with the flavor I got, I get plenty of ass, so call me an astronaut. As I blast past another nigga's ass, thought he was strong, but I smoke him like grass, just like Cheech and Chong. When I float, niggas know it's time to take a hike, cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke. I got rhymes to keep you enchanted, produce a smoke screen with the funky green to keep your eyes slanted. So check the flavor that I'm bringing, the motherfucking D.R.E. I keep the motherfucking heads ringing. Scare, wear and tear without a care. Running shit as if I was a mayor. But I ain't no politician, no competition. Sending all opposition to see a mortician. I'm up front, never in the backdrop. Step on stage and get faded just like a flat top. Your rhyme sounds like you bought them and stop and go. Dre came to wax you, so just call me Mop and Glow. Many fly too, but just can't rock with. I'm 6'1", 225, a pure chocolate. Your chances to jack at me a Slim G, cause I rock from summer to Santa comes down the chimney. Ho, ho, ho, and so as I continue to flow, cause yo, I'm just a fly Negro. So check the flavor that I'm bringing, the motherfucking D.R.E. I keep they motherfucking heads ringing. I keep the motherfucking heads ringing. I keep the heads ringing. Get it, get it, get it. I keep the heads ringing. Come on. Death Row back up in that ass. For the 199 to the nickel. So all you motherfuckers out there trying to get with this, don't even try. You couldn't see us with binoculars. Yeah. I know you're bobbing your head, cause I can see you. I know you're bobbing your head, cause I can see you. You can't see me? Yeah. Death Row, let me know you in the house. Yeah, that's right. We out. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. Shot me, my heartbeat.

around. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Jackson times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' those homegirls that got assing up the creek, G. Without a pad on, you left to straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my call and I'm out. You know I'm talking about jealousy, infidelity can be cheating, beating. And the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Skyrock Classics. Tu veux connaître mon rêve? Ouais. Écoute ça. Tu veux connaître mon rêve? Écoute ça. Rouler un Testarossa. Babou doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Je me pousse à l'excès, c'est pas pour tchatcher, mais tester. Savoir jusqu'où la critique peut aller. Peut aller, aller, ah. J'ai adopté le rap comme sport, fais des efforts, des sacrifices, fils. Toute la journée j'écris, fermé comme un vieux papy. Témoin fraîche, mon frère Saïdé, funky. Tout ce qui m'intéresse, rapper. Mes textes comme bouclier, en cas d'hostilité, je fonce en chercher qui est quoi. Je reste droit, crois-moi. Dans ce monde, c'est du chacun pour soi. Chacun pour soi. J'ai fait mes choix, travaille comme un fou. Co pour un jour, on est un Testarossa. Bago doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Gaz dans la poche, comme gonflé à bloc. Ni je vole, ni j'escroque. Que Boston marque son époque. Respecter des autres pour mon bon fond. J'aimerais fuir de béton. Voyager par Saigon. Crochet par Mali. Viré à Séville. Scruter le fief en famille. Que le droit soit reconnu de Massiliane Jamena. Tous les journalistes fassent la hache sur moi. La saga se terminera en Gazidja. Bitch Galawa avec Amada. Manama, Inch'Allah, que je construise ma villa. Au mur Picasso Dali. Sculpture Giacometti. Disque d'or, troisième œil et funky. Plein des jaloux qui portent la haine sur ma colline. Je fais des soirées privées. Invite Mr. Bean à venir divertir les miens. Quand on a la caille, on ne se prive de rien. Salle de jeu, billard, piscine, clean. J'y rêve depuis tout gosse. Finir mes vieux jours comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un Testarossa. Babou doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un Testarossa. Babou doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Permis gratuit, j'en fais mon ami. Des escapades sur les plus belles plages de Moroni. Costume trois pièces, signé Armani. Enfin en harmonie avec ma vie. Je vis, fais profiter la famille, les amis. Que je ne sois plus stressé. Je n'ai plus à bouger mes fesses pour manger. Fini le bus et ces nerveux qui pètent des pètes sans pitié. Fini les contrôles musclés, des cônes des malunés. Ceux qui insultent à tout va, plus de tracas. Au bled, je construirai une belle baraque pour la mama. Normal après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle mérite bien ça. Et pendant ce temps-là, ouais, je mettrai à mes pieds l'équipe de Pamela. Devant ses caméras, j'exhiberai mes carreras. Vise un peu les Sankara. J'ai pas vendu de la para pour en arriver là. Voix. J'ai craché, récolté ce que j'ai semé toutes ces années. Que les ânes vannent sur mon compte, je n'arrête pas de percer. Mon compte ne cesse d'enfler, gonfler. Je le suis l'ami, référence pour mon pays. Un vieux rêve de merdeux, vivre riche et vieux, être l'exemple pour ceux de mon milieu. Travaille dur, te tiens ce que tu veux. Blindé, je fais ce que je veux avec mon blé. Si je veux bouger, j'en fais profiter mes associés. Ceux en qui j'ai entièrement confiance. Les autres, je m'en balance. Conséquence, je claque des doigts. Loin du 1-4-3, nous voilà Bora Bora. On prend le temps de vivre, le reste on verra. Je touche du bois, mais d'ici là, je servirai toujours avec fierté le 3. Ma foi. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça, rouler un Testarossa. Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la Hassan, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça, rouler un Testarossa. Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la Hassan, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Bonheur, tiens, cœur. Inch'Allah, qu'on se retrouve tous blindés. Dimanche, 18h-20h, c'est Skyrock Classics avec les originaux de Skyrock. What's my motherfucking name? Are you Ellie? Blowing back when it's Mary Jane. I'm analyzing the game. And the game done chose me to bring pain to pussy niggas and pussy hoes that wanted the same. Ever since you told me there's only room for two, I've been making less room for you. Now only God can hold me. Hug me, love me, judge me. The only man that hovers above me. Holla. So many men, and it's like they're all the same. My appetite for loving is now my hunger pain. And when I'm feeling sexy, who's gonna comfort me? My only problem is their insecurity. Tired of being alone. Yeah, yeah. Say you're arguing on the phone. Yeah, yeah. Why you telling all your friends? My love's The way you walk, the way you move, the way you talk, the way you stare, the way you look, the style your hair, the way you smile, the way you smell, it drives me wild. And I can't go on without you. I've been thinking about this relationship and I wanna know, it's as good as it gets, cause we've been through the worst times and the best times. But it was our time, even if it was part time. Now they've been looking at me, smiling at me, laughing like we wasn't happy, but not knowing that we're growing and we're getting married. Hard loving and straight thugging. Bitch, I ain't doing this shit for nothing. I'm here to get it poppin', hoppin'. Let's ride out in the Benz, head blowin' in the wind, sun glistening on my skin. Hey, I'm nasty, you know me, but you still gon' fuck with your baby. I'm ready. The way you walk, the way you move, the way you talk, the way you stare, the way you look, your style, your hair. I live it to the limit and I love it. Now I can breathe again, baby, now I can breathe again. Now people screaming, what the deal with you is so-and-so. I tell them niggas mind their biz, but they don't hear me though. Cause I live my life to the limit and I love it. Now I can breathe again, baby, now I can breathe again. Tired of being alone. Yeah, yeah. Say you're arguing on the phone. Yeah, yeah. Why you telling all your friends? Yeah, yeah. But you never don't understand my love, cause I'm real. The way you move, the way you talk, the way you stare, the way you look, your style, your hair, the way you smile, the way you smell, it drives me wild. And I can't go on without you.

croit franchement qu'elle est fière de son petit, qu'elle est fière de son fils quand elle se confie au psy. Serait temps que t'as ta cam, que t'arrêtes un peu ton bise, que tu quittes un peu ta cave sans pour autant viser le smic, mon frère. Si on a peur de te perdre, malgré ton cœur de pierre, mon thème, on serait fier que tu perds. Regarde, t'es pas capable d'avoir une famille, t'es incapable d'aimer une femme, t'es juste coupable de nous salir, mon frère. Ça fait trois fois que tu vas en tôle. Moi j'ai le poids de la famille sur les épaules, car je ne veux pas qu'on finisse pauvre. T'as rien compris, nous on s'en fout de ta thune, on s'en fout de ta rue. Mais tu me rends fou, t'as vu. Parce que je veux pas nous voir en bar, je veux que les remparts nous voient en star, mon frère. Moi j'aimerais juste que t'arrêtes d'aller au star. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend pas. Pour autant qu'on avance dans le même sens. Pas pour autant qu'on s'aime pas. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend pas. Pour autant qu'on avance dans le même sens. Pas pour autant qu'on s'aime pas. Ma sœur, je mène ma vie dangereusement. Entre le luxe et la misère, j'ai fait mon choix malheureusement. C'est dur de remonter la côte, défoncé à l'alcool. Au cas où tu le sais pas, les fachos ont des flashballs. Tu parles de fonder une famille, mais tous les condés me fatiguent. Ma vie n'est plus très sûre, c'est le béton qui me l'a dit. Trop de galères, les soucis me déboussolent. L'argent que je vous donne est aussi sale que le sous-sol. Mais en bas, ta morale, à deux balles, t'as rien compris. Le daron sera fier quand la baraque sera construite. Allez, arrête. Des substances, des poèmes, des mauvaises résolutions. Dans le cerveau, plus de problèmes que de solutions. C'est pas fini, la suite est dramatique. Quand la situation s'aggrave, la tise la dédramatise. Il fallait faire ce choix. J'ai préféré te savoir riche et en colère plutôt que pauvre et fier de moi. On a le même sang. Mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend pas. Pour autant qu'on avance dans le même sens. Pas pour autant qu'on s'aime pas. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend pas. Pour autant qu'on avance dans le même sens. Pas pour autant qu'on s'aime pas. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend pas. Pour autant qu'on avance dans le même sens. Pas pour autant qu'on s'aime pas. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend pas. Pour autant qu'on avance dans le même sens. Pas pour autant qu'on s'aime pas. Premier sur le rap, c'est Skyrock avec le son de Diams et Cynic à l'instant. C'était le même sang sur Skyrock. Dans 10 minutes, ce sera le Hit US. On va retrouver les 10 cartons rap R&B aux États-Unis. Mais juste avant, Kanye West et Jamie Foxx. Écoutez, c'est Gold Digger, c'est ça. Passez un bel été, de bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'en profiter. Pour ceux qui bossent demain, c'est la reprise. Profitez de l'émission pour vous détendre. Skyrock Classics. Busta Rhymes arrive aussi. C'est Dangerous sur Skyrock. Jamie Foxx, Busta Rhymes et Stéphane pour le Hit US. C'est entre 20h et 21h tous les dimanches. On va découvrir ce qu'a cartonné aux États-Unis cette semaine. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec le clip Benji, le bilan en version Skyrock. Il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme nous étions des beaux garçons. Et c'est-à-dire que quand je vois que nous fêtons nos 18, nos 30 ans aujourd'hui, alors qu'on fêtait 18 ans hier, c'est vrai. Skyrock passait le bilan comme les voitures. T'entends pas ou quoi? Mais quel est le bilan? C'est fou ce que le temps passe vite. T'as vu, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre temps, pas toujours aisé, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours ce qui nous a motivés. L'esprit était Janek, marron, petit vagabond à tête grainée. On préférait sécher les cours et rester svané au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles. À l'époque, dans les hauts, les gants, Brex meurt parfois se rebelle. French Boy, B-Boy représentait Gare Charcel. Appel. Il y avait des bandes et des gangs. Il y avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on vendait à peine, mais on voulait déjà jeunes. Kiff nos ambitions opposives, devenir quelqu'un, un point commun, celui de réussir par tous les moyens. Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? L'oreille scotchée sur nos voix, d'écouter des MC qui déchirent. De là nos premières rimes naissent, des jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au son système. Et puis en un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine professionnel ou amateur. Tu le sais, c'est la monnaie.

box. Cause too much of us is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My flip mode strong is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My whole entire unit is dangerous. Fuck wild to all of my niggas who don't care. Floss like a bunch of young black millionaires. Making you run, me and my dun stacking my ones. Floss a little, invest up in the mutual fund. Blowing the horn, a sense of every day I was born. Never dream I see a nigga landscaping my lawn. Dangerous, my nigga should be accurate. Have to get the flow be so immaculate. Ayo, ayo, watching my dough, sipping my mo. Sipping it slow, them pretty bitches saying hello. Anyway, go ahead and display your oil of Olay. Little honey dip whipping a little cabriolet. I don't mean to hold you up, but I got something to say. Swear to only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. Dangerous, serious. We could make you delirious. We're so dangerous. Cause too much of us is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My flip mode strong is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My whole entire unit is dangerous. Hold your breath, we swinging it from right to left. With the wide cleft, nigga should be hot to death. Staying alive, you know only the strongest survive. Holding my heat, under my seat, whipping the fire. Baseline for all of my people moving around. Give me your pound, all of my niggas holding it down. Cutting you up, the new shit, rocking you up, fucking you up. My black hole, sucking you up. Back in the days, a nigga used to be ass out. Now a nigga holding several money market accounts. Blaze the street, and then I would just like to announce. Feeling my groove, my jigger jigger, making you bounce. Others is fed, me and my niggas breaking the brain. Stay getting it, we got you niggas holding your head. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. Rocking the beat, step up in the club, take me to my reserve seat. Coming around, all of my niggas surround me. So much bottles of liquor, y'all niggas that drown me. Making you drunk, feeling the funk, blazing the skunk. Stay hitting with the shit that blow a hole in your trunk. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. C'est Skyrock, premier sur le rap, premier sur les classiques avec Busta Rhymes. On écoutait Dangerous à l'instant sur Skyrock. Il est 20h02, on va retrouver le classement des 10 titres les plus vendus cette semaine aux États-Unis avec Stéphane qui est en train de préparer son mix. Eh ouais, je suis là, Maxime, en train de préparer le mix du 8 US. On sort le récap des 3 premiers du classement de la semaine dernière, comme d'hab. Et après, on va débuter avec cette nouvelle révélation du 8 US. Ça marche, Steph, bah, moi, je reviens demain à 9h du matin. Ok, bah vas-y, en quart demain pour attaquer la semaine, Maxime. À partir de 9h du mat, nous, on est parti pour le 8 US. On en parle avec Maxime. On se fait d'abord le récap des 3 premiers du classement de la semaine dernière et puis juste après le nouveau classement les 10 cartons rap et R&B aux États-Unis. C'est ce qu'on découvre maintenant, c'est parti pour le 8 US sur Skyrock. 14h à New York, 11h à Los Angeles.